Ça veut pas dire qu'un homme qui est dans l'esprit va voir passer tout donner son temps avec un autre homme. Pas ça. Mais un homme qui est dans l'esprit et qui sent de l'esprit dans un autre homme, il y a automatiquement la communication. S'il n'y en a pas, c'est parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas dans l'esprit. Puis c'est ça qu'eux autres en haut appellent la fraternité universelle de l'âme. C'est pas une société, la fraternité universelle de l'âme. C'est pas un groupe. C'est la capacité d'un certain nombre d'hommes de communiquer avec un certain nombre d'hommes qui sont dans le même esprit. Puis tant que ça, c'est pas fait, il y a des ajustements au niveau de la personnalité qui doivent être faits. Ils vont se faire. Qu'ils prennent 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, ils vont se faire. Si ces gens-là sont dans un plan de vie qui mène vers l'éther, c'est automatique. Parce que l'homme de demain ne peut pas vivre seul. Il est obligé de communiquer. C'est sa seule nourriture. Sa seule, il n'y a pas d'autre. C'est tout ce qui remplit, c'est tout ce qui remplit sa solitude cosmique sur la Terre. Parce que l'homme de la nouvelle race vit une solitude cosmique. Vit l'attente. Puis il n'y a pas un homme qui ne vaut pas la peine d'être parlé s'il est dans l'esprit. Pas vrai. Pas vrai. Comment vous rationaliseriez, n'est-ce pas? Parce qu'un homme, quand un homme est dans l'esprit, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Il n'est plus le même gars. Il y a une vibration. Il n'y a pas besoin d'être intelligent encore à expliquer tous les systèmes, c'est pas ça. Mais il est intelligent. Ce qui veut dire que ce qu'il dit, c'est en harmonie vibratoire avec ce qu'il sait, quelque part en lui. Puis avec le temps, ça devient de plus en plus juste, de plus en plus juste, de plus en plus juste, de plus en plus juste, de plus en plus juste. Ça s'ajuste, l'intelligence. L'intelligence d'au but, elle s'ajuste, pas s'ajuste, pas s'ajuste. Quand je le vois après 2 semaines, 3 semaines, ça s'ajuste, ça s'ajuste, ça s'ajuste. Éventuellement, l'esprit s'ajuste. C'est comme n'importe quoi d'autre. C'est comme Rama, ici, son esprit s'ajuste, puis s'ajuste, puis s'ajuste. Là, il est plus parlable qu'avant. L'autre jeune en arrière, c'est la même chose. Plus parlable qu'avant. Ça s'ajuste de l'esprit. Une fois que c'est ajusté, bien, on s'aperçoit qu'il y a de l'essor. Moi, je regarde Rama. C'est pas le même Rama que j'ai vu il y a quelques mois. Rama, il y a quelques mois, il riait. Il disait quelque chose par terre. Il a tout un petit sourire. Puis, écoute, l'œil a changé. Tout. Bien important de réaliser l'esprit dans l'âme. Quand tu prends des hommes comme M. Levesque, qui ont un certain âge, ils sont dans leur petit coin, ils La personnalité n'est plus là, là. C'est simple. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. C'est là qu'on tire une grande leçon de la vie dans l'âme. La vie qui grandit dans l'âme. Moi, d'accord, pour des raisons d'explication, de personnalité, ainsi de suite, je vous mets sur le spot, des fois. Mais c'est derrière la personnalité que je vais. Puis elle est là, la grandeur de l'art. Puis il faut qu'on puisse, entre nous autres, voir la grandeur dans les âmes que l'on rencontre. Parce que tout à l'heure, vous allez voir que la société humaine sur la Terre devient de plus en plus un terrain difficile pour l'homme nouveau. Puis si vous n'avez pas des âmes, si vous n'avez pas su reconnaître l'esprit dans ceux qui n'ont, vous allez être seul. Et la solitude, vous allez la trouver pénible. Ça, c'est un autre, ça, qui rentre. Ça, c'est un autre qui rentre, ça fait pas longtemps. Qui rentre dans le silence de son intelligence, ils disent. Le silence de son intelligence. Puis le silence de son intelligence, c'est un état d'esprit qui est adapté à sa psychologie, mais qui est au-dessus de sa psychologie. Il y a une partie d'elle qui commence à sentir les contours de quelque chose. Quand je vous pointe du monde dans la salle, c'est pas pour rien que je vous pointe du monde. Je vous pointe du monde pour vous faire réaliser qu'il y a de l'esprit qui descend dans l'âme. C'est pour ça que je vous pointe du monde. Ne bien que je pourrais pointer que je pointe pas, mais... On connaît pas toujours leur raison. Y a-t-il des questions? Non. Est-ce que tu pourrais éclaircir tout en tout ce que tu dis, ta pensée, quand on pensait peut-être les portes du tutoriel? Puis après ça, tu dis que la pensée OK. Voyez-vous le changement vibratoire? C'est pour ça que j'ai demandé ça. C'est pas intéressant qu'il me réponde à une question. Je vous en parlerai plus tard. Mais je viens de vous faire comprendre quelque chose. Le changement vibratoire, c'est plus la même vibration. Fait que quand je dis que l'esprit, c'est de l'énergie qui agit sur l'esprit, c'est ça que je veux dire. Mais si je vous l'explique avec des mots, c'est dur à comprendre, mais quand je vous le fais comprendre par une expérience directe, c'est plus concret. C'est comme si tu passes du chaud au froid. Voilà. Tu passes du chaud au froid. Parce que dans l'esprit, il y a une chaleur. Dans l'intellect, il n'y en a pas. L'intellect, c'est froid. L'esprit, c'est chaud. Quand on reste dans le chaud de l'esprit, automatiquement, l'esprit en nous autres grandit, puis grandit, puis grandit, puis grandit, puis grandit. Puis on s'en aperçoit pas. On s'en aperçoit quand on part, puis qu'on tombe dans le froid. Puis plus la communication entre nous autres est réellement comme un petit peu là. moins c'est perceptible, mais plus l'esprit est chaud. Plus l'esprit est présent, parce que moins votre personnalité est impliquée. C'est pour ça que je dis l'importance que vous puissiez m'écouter pendant des heures de temps puis de me laisser parler à ma guise, sans que votre personnalité soit impliquée. Parce que c'est là que la connexion au niveau de l'esprit à l'esprit se fait. C'est là que, que la sympathie vibratoire se fait. Puis c'est avec ça que vous partez après. Parce que plus vous êtes dans l'esprit, plus vous n'avez pas de mémoire. Plus vous êtes dans l'esprit, plus votre cerveau est gelé. Moins il fonctionne intellectuellement. Fait que quand vous partez après ça, puis que le cerveau commence à se dégeler, c'est là que vous voyez votre personnalité. C'est ma façon à moi de vous faire réaliser votre personnalité. Quand vous êtes avec moi, vous la réalisez moins. Puis quand vous partez, c'est là que vous la réalisez. La job, les loyers. Fait que ça me permet de vous donner une mesure réelle de ce que vous deviendrez demain, naturellement. De vous donner une mesure réelle de ce que vous vivrez demain constamment, 24 heures par jour, tout le temps. Au lieu de tomber du froid au chaud, puis du froid au chaud, puis du froid au chaud, vous serez toujours hot. Puis quand t'es toujours chaud, mais t'es toujours bien. C'est quand t'es froid qu'il faut que tu portes des vêtements. Parmi vous autres, il y en a 14 qui vont passer à l'immortalité. 14. Mais tous les autres vont bénéficier d'une conscience accrue. Mais ils disent, c'est pas l'immortalité qui est importante. C'est la conscience. Fait qu'il dit, comme ça, tout le monde est content.